recette prospère, profite tout au mieux de la pièce dont prend la bête. Par le serpent mordre sa queue et sur les bancs à Vienne, se rapprochant pour m'étouffer l'asphyxie péoïenne. Tout délectant de cette épée, nosophobie, nosophobie. Par la fenêtre, la nuit m'observe en riant. Elle s'approche puis pénètre. Ce n'est l'amour, esprit dansant, mon cœur pas frénétique.